quitter maman. Yeah, yeah, ou quitter baba baba. Yeah, yeah, ou lever ou al marié. Femme, yon déballé, zombie, yon déballé. Yeah, yeah, ou quitter maman. Yeah, yeah, ou quitter baba. Yeah, yeah, ou lever ou al marié. Femme, yon déballé, zombie, yon déballé. Puis à très géant, ça finit, oui. Dada, femme nan kide ou. Ye ye, ajouen maman ou. Maman ou pap jan kide ou. Se pou pa mek nan te. Ye ye, femme nan kide ou. Femme nan kide ou. Ye ye, ajouen maman. Ale jouen maman ou. Maman ou pap jan kide ou. Li pap jan kide ou. Se pou pa mek nan te. Tout le monde te parle. Maman, papa, ou frère, ou cousin, cousine. Tout est bon ça, non, ça va le faire. Son mariage civil enterré verbal. Ouais. Yé, yé. Wap tu es comme mon nom. Ouais. Mes femmes, ça va le marier. Son femme qui gomme 14 à 15 ans. Depuis coquin dans ses soukai maman. Pour si on même calde coquin ratier fait ça. Bien fait, non, mon nom pas le mari avec lui. Mais c'est malhonnête, yé yé. Wap tu es comme mon nom, oué. Alors, bagay qui dit, c'est le nom mari à confie. Ou à travail, ou quitte madame ou la caillou, en bon ordre. Soit disant, pour voisinage, voyez les yeux pour vous. Et puis, ce voisinage, après, j'en sais que des combinaisons louches pour livrer madame ou à la crier publique. Mais c'est malhonnête, yé yé. Wap tu es comme un nom, oué. Bon, regardez ça arrivé, ou. Regardez vos recherches dans le travail, ou. Pour venir faire constat, madame, ou. Sur route de l'ambi, non vieux décapotable, à pied non vieux pieds en main, avec trois vagabonds sans asile. Mon cap marché fait des arrois, des avis, yé yé. Wap tu es comme un nom, oué. Bon, nous parlons un. Nous allons lancer. Regardez, non, mesdames. Mesdames, ça y est là. Vous te connaissez très bien. Quand madame vient chercher pour le mener, on vient danser ses lèvres. Si vous avez un contingent, pas de contingent, bagaille, trop choy, vous te faites pour expliquer tout bagaille avant de te déplacer avec lui. Parce que quand madame sort la caille, il connaît la vie de chercher la caille, sans question de fête, fête et fourni. Oui, en question de fête et fournie. On voit. Donc c'est mal arrivé dans le balla, on voit. On va venir créer problème, une série de bagailles, on voit. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Et puis attendez, ça fait arriver, dit camarade là. Oh chéri, chéri, moi le don bagaille là, il va fâcher, non? Il va fâcher, non? Monsieur, mais dis-le soit, dis-le non, dis-le soit, dis-le non. Même si je suis senti. Mon bagaille qui va normal, sort-il pas l'aise. Oh oui, chérie, pendant ma place avec toi, moi, mon petit Jean, quand on t'a donné au monde, qui 99 plus 1. Aïe, aïe, aïe. Pas la part de l'entendre à mon monsieur même. Regardez quoi, vous avez créé problème, mes camarades là. Hein? Bon, en tout cas, passons. Bon. C'est gâté pour le gâté. Ou pas quand rien de sérieux à faire pour lui. C'est gâté pour le gâté. Ou pas quand rien de sérieux. Pas rien de sérieux. Et puis tant de salarié dit comme là. Oh chéri, sous quoi menti. Moi aux êtres là, ouais. Moi aux êtres là, ouais. Sous quoi menti. Bah là, c'est gâté pour le gâté. Ah, mais qui soit de qu'on fait pour lui comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour lui comme ça. Fais expérience. Pas mal de matin. Pas mal de à midi, pas mal de à soir pour essayer de pas garder dans mes mains. Pas raison pour faire tout le bagage ça, yo. Pour être un petit caoté, chargé avec Zépina là-dedans. C'est pas sérieux, moi. Pas raison pour faire tout le bagage ça, yo. Et puis, qui soit de qu'on fait pour lui comme ça? Son question de trois fois par jour. Trois fois par jour. Oui, trois fois par jour. Trois fois par jour. Trois fois par jour. Trois fois par jour. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Balti de l'eau, balti de l'eau, balti de l'eau, balti de l'eau, balti de l'eau. C'est ça seulement, pas quand il y a un grand mot. Sauvez vous. Bon, ma foute sermentée, ma sermentée quand même, ma foute sermentée. Vous m'attendez toute prière, pas jamais vous m'en dire. Mais prière pas, mais ça privé. Ma sermentée. qui que ça soit comment, qui que ça soit comment, que la police bondit, donnez-moi votre affaire. Bon ma femme, ça dépend. Bon ma femme, ça dépend. Bon ma femme, ça dépend. Bon ma femme, ça dépend. Pour toute la femme, ça dépend. Ma femme, ça dépend. Ma femme, ça dépend. Ma femme, ça dépend. Ma femme, ça dépend. Bon ma femme, ça dépend. Bon ma femme, ça dépend. Bon toute la femme, ça dépend.